إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد دونك شيخ فخيرنا الله عز وجل فخير سورنا الله عز وجل. Après avoir eu avec moi hier le cours introductif, qui, je le rappelle, avait, ou en tout cas on a traité des thèmes suivants, on avait parlé de quoi? De Je parle d'hier. Alors, hein? Al-ilm shar'i. On avait d'abord souhaité la bienvenue au demandeur en science en rapportant le hadith de Safwan ibn As-Salin, radiallahu anhu arda, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, hein? Marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue aux demandeurs en science. Puis on avait rapporté par rapport à ça la noblesse et la préséance de la science et des gens de science. On avait cité quelques versets du Coran. Vous vous souvenez ou pas? Qui sait m'en citer un ou en tout cas la référence? Tfadal. Surat Al-Mujadala. Verset 11. Ça, c'était, je pense, le deuxième, si je me souviens, qu'on a cité. Le premier, c'était, ou le troisième, le premier, c'était, Tfadbal, Surat Ali Imran, verset 18, je t'aide. Shahid Allah, Tfadbal. Ahsant, Zakallah, Khair al-Jaza. Le verset de Surat Ali Imran. On avait cité aussi. Sourate Zumar, hein? C'était dans ce cadre-là qu'on avait cité ça. C'était quoi le verset de Sourate Zumar qu'on a cité? Le verset 9. C'était quoi? Personne? Le verset de Sourate Zumar qu'on a cité hier. Ah, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Exactement, on avait montré que justement ils sont pas égaux. Hein? Pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas là hier ou qui n'ont pas pu assister au cours, les cours seront sur notre site, Inch'Allah. Et puis on avait rapporté un autre verset, comme le frère a rapporté très justement, qu'on a parlé de Surat Zumar, si je me souviens bien, on avait parlé aussi du verset de Taha. Waqur Rabbi Zidini, Ilma. Et on avait démontré que le fait qu'Allah Azzawajal ait ordonné à son prophète, alayhi salatu wassalam, d'accroître sa science et pas autre chose, ça prouve bien ou ça démontre bien quoi là? La noblesse et la préscience de la science. Et quand on parle de la science, hein, comme on dit, c'est quoi? C'est la science? L'ilm shar'i, bien sûr, c'est la science de la législation islamique. Quelle autre verset on a cité? Ok. Il y a Ibn Qayyim, rahimahullah, il a rapporté 4 endroits dans le Coran où il y a une élévation en degré. 3 par l'ilm, 1 par le jihad. Qui sait me donner les 3 pour l'ilm et celui par le jihad? Bah, vas-y, tada. C'est le verset qu'on a cité d'ailleurs avant. Hein? Verset 11 de Surat Mujadala, le premier, Naam Ahsant. Surat Al-Anfal. Que Amar a déjà cité entre parenthèses hier dans son cours aussi. Surat Taha, Naam Ahsant. Exactement, Surat Nisa, Ahsant. On avait parlé d'autre chose ou pas? On a parlé d'autre chose de très très important et que j'ai dit que vous deviez garder gravé dans vos esprits tout au long de cette daura. Une parole de qui? D'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Sur comment bénéficier du Coran. Et c'était en référence à quel verset? De quelle sourate? Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, dont je vous ai déjà parlé. Une des raisons pour laquelle il est devenu ce qu'il est devenu, c'est qu'il préparait ses cours avant d'aller chez le Cheikh. Puis quand il était chez le Cheikh, Allah lui a donné une mémorisation telle qu'il pouvait mémoriser le matn et le charh en une leçon. Comme elle-même, Qara'awi, rahimahullah, il lui a dicté, c'est la méthode des anciens, il lui a dicté Tuhfat al-Atfal, qui est en vérité un poème dans Tejwid pour les enfants et pour nous aussi, on en a besoin. Eh bien, c'est quoi? Il lui a dicté avec l'explication, et l'Al-Hafid al-Hakami, en une jelsa, il l'a mémorisé, avec l'explication également. C'est Allah Azza wa Jal qui donne ça à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? Donc, vous êtes préparé pendant le cours aussi, donc avant, pendant et après. Il revoyait ses notes. Et c'est à ça que je vais arriver. Il revoyait ses notes. Et en plus, il rendait visite à la mektaba de l'imam al-Qara'awi, rahimahullah, au shir, à l'imam al-Qara'awi, qui a revifié la da'wa salafia dans le sud de l'Arabie Saoudite, et qui fait partie des shuyur, ou qui est le shir de shir Najmi, de shir Zay, de shir al-Hafid al-Hakami, de shir Rabi', shir Mohamed ibn Hadi, la liste est longue. Shir Ali Nasr al-Faqih et d'autres. Eh bien, que quoi que, il débattait avec lui le sujet, il posait des questions, il y avait ce qu'on appelle le mudakara. C'est ça, le talib ilm, comment il se construit. C'est-à-dire que l'idéal pour vous, pour aujourd'hui, ou en tout cas pour chaque cours, c'est de réserver, pas énormément, 5, 10 minutes, 15 minutes, en fonction de votre capacité, de réserver un temps pour revoir le cours. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le revoir directement après le cours. Et de le revoir avant le prochain cours. D'accord? Eh bien, on a parlé d'une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, par rapport au verset de sourate Qaf. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est vraiment le verset que vous devriez garder à l'esprit tout au long du week-end, tout est dans cette conférence, et après, comme on a dit aussi. Pourquoi? Parce que si on applique ce qui est dans ce verset, eh bien, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut bénéficier du Qur'an. Al-intifa'u bil-Qur'an. Vous vous souvenez de la dernière phrase, elle est comme ça dans le Fawaid ibn al-Qayyim. Hasoul al-intifa'u wa tadhakkur. D'accord? Et c'était quoi d'ailleurs? Inna fi dhalika la dhikra, le rappel, c'est le rappel par quoi? Par le Coran, ahsant. Qui est quoi? Al-mu'athir, ce qui influence. Et puis on a quoi? Comme le frère a dit hier, un réceptacle ou un récipient qui reçoit cette influence. Qui est quoi? Le cœur. Quel cœur? Le cœur mort? Non, le cœur vivant. Man kana hayya, surat Yassin. C'est-à-dire, ay hayya al-qalb. Et puis encore une autre condition, c'est quoi? Exactement, il a fait le geste avec ses oreilles, c'est très bien. C'est quoi? C'est le fait d'écouter. Al-Isra, wal-Istima'. Et puis encore dernièrement, ou à la fin, c'est le mani'. Que le mani' il soit pas là. Ce qui empêche l'intifa' wa tadakkur, c'est qu'on fasse attention à ce qu'on ne tombe pas dedans. Et c'est quoi al-ghafla? Wassahu al-qalb. Que le cœur soit insouciant, négligent, absent. Wahoua shahid, c'est-à-dire qu'il soit présent. Qu'il soit présent, qu'il soit attentif. C'est ça le mot qu'on avait utilisé hier. Ce matin, dans le cours après le Fajr, je voudrais un peu revoir vite fait avant de. C'est possible pour les sœurs qui n'étaient pas là ce matin, en tout cas en grande majorité. Là, leur récompense, c'est pas facile. Elles ont des enfants, elles ont des situations, etc. Elles viennent comme au cours, etc. Elles ont voyagé des fois de loin avec leur mahram, etc. Qu'Allah les récompense et leur donne le fédos l'a'la. Et bien, quoi, c'est que on a vu certains bénéfices tirés de Sourate Luqman et une page spécifique de Sourate Luqman qui commence par Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Jusqu'à la fin, Inna ankara al-aswat ila sautu al-hamir. Et je réitère la compétition, si vous voulez, le challenge que j'ai donné aux frères et aux sœurs. C'est quoi? C'est que toute personne, frère ou sœur, qui mémorise cette page de Sourate Luqman durant ce week-end, ou même qui la connaît déjà, c'est plus facile évidemment, mais c'est quelqu'un me la récite en tout cas pour les frères,

jusqu'à la fin, inna ankara al-aswat ila sawtu al-hamir. Et je réitère la compétition, si vous voulez, le challenge que j'ai donné aux frères et aux sœurs, c'est quoi? C'est que toute personne, frère ou sœur, qui mémorise cette page de Surat Luqman durant ce week-end, ou même qui la connaît déjà, c'est plus facile évidemment, mais si quelqu'un me la récite, en tout cas pour les frères, et la récite aux sœurs comme Oum Zakaria, Oum Abdelrahman, d'autres sœurs qui sont parmi les organisatrices, eh bien, il recevra un cadeau de ma part. En 2 jours, c'est possible une page du Coran, c'est pas difficile. C'est même très facile. Une page. Versets 12 à 19. Et voilà, quand aïtaïna l'okman al-hikmata, anishkurillah, jusqu'à la fin de la page. D'accord, il recevra un cadeau de notre part, inshallah. Et bien, on avait rapporté quoi de Surat Luqman? Et avant de parler de ces recommandations-là, qui est Luqman? Fadal. C'est un sage. Est-ce que c'est un prophète? Non. Pourquoi? Qui sait m'expliquer? Qui sait m'expliquer? Quelqu'un d'autre? Fadal. Exactement, Cheikh Abdel Zak al-Badr, dont on s'attache à étudier cette explication de ces recommandations-là, avec des fois quelques bénéfices de Cheikh Rabi et d'autres choses qu'on va intégrer à cela. C'est quoi qu'il a dit, Cheikh Abdel Zak? Que Luqman, c'était pas un prophète, c'était un homme pieux, un homme sage, un homme vertueux, mais c'était pas un prophète. Et comme il a dit le frère très justement, la preuve de ça, justement, c'est qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran ni dans la Sunna qui a dit que Luqman était un prophète. Il a dit autre chose par rapport à ça. Et ouais. C'est toujours les mêmes qui répondent. Il faut pas avoir peur, les frères. Tfaddalo. Personne? Tfaddal. Par rapport à ce que je viens de dire là, par rapport au fait que c'est pas un prophète. Ça continue. Exactement. Quel est l'étape? Il y a un consensus et unanimité des savants, mais sauf précis. Sauf Ikrima. Qui est l'élève de qui? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. C'est qui l'autre élève? Hassan, il l'a dit tout à l'heure. Mujahid. Eh bien, quoi? Qu'on a dit que il s'était singularisé par cette opinion que c'était un prophète, mais sinon, à part lui, il y a unanimité des savants comme quoi c'était un homme pieux, un homme vertueux, mais que c'était pas un prophète. D'accord? Je vous donne une référence par rapport à cela. C'était quel tafsir? Ahsan, Barawi. Ma'alim. Tanzil, Ahsan. La page, le volume? Non, je suis désolé. Je t'ai eu, D'accord, maintenant, on a parlé de Luqman, et Luqman, il y a toujours un qualificatif qui le suit. Luqman le...

comme ne lui porte pas préjudice l'ingratitude de ceux qui sont ingrats. Donc si tu remercies, c'est pour qui, ya akhifillah, ya akhifillah, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour toi. Waman sha'a wa man yashkur fa innama, regardons l'arabe, innama, seulement pour lui-même, les nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala ne tire pas profit de l'obéissance de celui qui lui obéit, comme ne lui nuit pas la désobéissance de celui qui désobéit. Et regardez ce qu'il dit le cheikh. Si on revient encore à la parole du Bilqayyim, la méditation, il médite cela dans la parole d'Allah, dans le hadith Qudsi, d'après Abu Dharr radiallahu anhu arda, est rapporté par Muslim dans son authentique numéro 2577. Oh, traduction approximative du sens. Oh, mes serviteurs, même si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, attention, des fois, il y a des traductions par ins, par un homme avec un petit h. Hein? Vous retrouvez ça dans Surat Dariyat, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes, c'est avec un petit h. Or que le petit h, c'est quel est mâle en français. On est obligé de traduire ça avec un grand h. Hein? Parce que les femmes, elles sont concerné, et le khitab, il s'adresse à elle aussi. Donc ici, les hommes, c'est-à-dire avec un grand H, c'est-à-dire quoi, l'être humain, c'est ça que ça veut dire. Le genre humain. Et les djinns étaient aussi pieux que le cœur du plus pieux des hommes parmi vous. Là, hommes, c'est avec un petit H. Qalbi rajulin wahidi minkum. Vous voyez le mot en arabe, rajulin. Au début, c'était quoi? Lo insakum wa djinnakum. Cela n'ajouterait rien à mon royaume. Oh mes serviteurs, même si le premier, c'est qui parle ici? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est hadith Qudsi. Même si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, étaient aussi pervers que le cœur du plus pervers des hommes parmi vous, eh bien cela ne diminuerait en rien mon royaume. Allah ne bénéficie donc pas de l'obéissance de celui qui obéit. Elle ne lui porte pas préjudice la désobéissance de celui qui lui désobéit. Mais de plus, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Regardez l'autre verset sur Al-Luqman. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Regardez ici sur Al-Isra. Man ihtada fa innama yahtada li nafsi. Wa man dalla fa innama yadillu alayha. La traduction du sens du verset sur Al-Isra, verset 15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Le verset est clair ou pas? Sur Al-Isra, verset 15. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui se dispense de tout. Et il est le digne de louange subhanahu wa ta'ala. Comme dans la parole d'Allah, Ya ayyuhan nas wa antum al-fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. La traduction du sens, oh homme, vous êtes les indigents, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui s'y dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, regardez, écoutez, s'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. On n'est rien, ya ikhwa. Rien du tout. Surat Fatir, versets 15 et 16. Surat Fatir, versets 15 et 16. J'ai cité Surat Luqman. Puis j'ai cité quoi? Surat Al-Isra, verset 15. Puis Surat Fatir, verset 15-16. On a fini le cinquième bienfait qui était quoi? Qui lève la main? Celui qui lève la main, la réponse, c'est l'insiwak. Parmi les frères qui ont pas reçu de cadeau, s'il vous plaît. T'as reçu un cadeau, toi, hier? Ah, cadeau. Elle est pas mal, celle-là. T'as fait du marketing, toi, non? Ah, ben voilà, subhanallah. Non? T'as reçu un cadeau, toi, ce matin? On a reçu deux. Attention, je retiens. Allez, parmi les nouveaux là qui vont arriver aujourd'hui, etc., qu'est-ce qu'on a dit, cinquième bienfait? Tfaddal, vas-y. La gratitude envers Allah ne peut lui bénéficier à rien. L'ingratitude non plus, ça ne l'affecte pas. Exactement. Les, preuves sont Fatir, verset 15 et 16. Uh-huh. Isra, verset 15. Mashallah. Et Luqman, verset 15. 15, ouais, c'était 15. 15. Non, 12. Ah. Allez, parce que tu as dit 100. Regardez tes notes, je te donne deux cadeaux. Tiens, pardon. S'il est nouveau, on va. Hein? On va le booster. Sans d'alerte. Sixième bienfait, le faïda tout sadissa. Inna shukra l'abdi li ni'matillahi a'idun atharuhu naf'u ala l'abdi nafsi. Wa me yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Regardez le verset, on peut le lire tous les jours. Regardez combien de fawa'id les cheikhs en tirent. Hein? C'est pour ça qu'on nous fahamouna mada qasir. Notre compréhension, si on en a une, elle est limitée, très limitée. فالعبد إذا شكر كان شكره عائدا عليه في الدنيا والآخرة ففي الدنيا كتب ثباتا للنعمة ودواما لها وجلبا للنعم الأخرى. regardez الجلب hein, vous avez vu tout à l'heure hein, الجالب regardez le mot ici جلب جلب يجلب جلبا hein, كما تقدم وفي الآخرة أجرا ومثوبة وحسن عاقبة. فالعبد إذا شكر عاد شكره عليه وانتفع هو به ومن ذلك قول الله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. regardez le même verset qu'il utilise encore une fois, sourate l'Isra, verset 15. وإن كان العبد والعياذ بالله كافرا عاد كفره وبالا عليه وحسرة وندامة في الدنيا والآخرة وهذا مقام ينبغي على العبد أن يعيه أنه هو المحتاج إلى شكر الله وأما الله جل وعلا فإنه غني عن شكره. C'est quoi le sixième bénéfice qu'on voit ici? C'est lié au fait, en fait au cinquième. Eh bien c'est quoi? C'est que l'effet et le bénéfice de la gratitude du serviteur qui remercie Allah revient à lui-même, revient à la personne elle-même. Car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Le serviteur, lorsqu'il est reconnaissant, le bénéfice de sa reconnaissance revient à lui-même, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, par le maintien et la continuité de ce bienfait, et également par l'obtention des autres bienfaits, comme nous l'avons vu précédemment. Et dans l'au-delà, en récompense et en gratification et par la bonne fin. حسن العاقبة. Le serviteur donc, s'il est reconnaissant, sa reconnaissance lui revient. Et c'est lui qui en bénéficie. Et à ce sujet, la parole d'Allah, من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. La traduction du sens du verset, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Sourate l'Isra, verset 15, encore une fois. Et le serviteur, s'il est ingrat et nous cherchons refuge en Allah contre cela, son ingratitude revient à lui en tort et en regret. Regardez, hein, si vous voulez la réciprocité en français des choses. Hein? Eh bien, c'est quoi? C'est que comme ta gratitude, ton remerciement, le bénéfice revient à qui? À toi. Eh bien, également, l'ingratitude, son tort et son préjudice, il revient à qui? À toi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'a pas le choix. Remercier Allah Azza wa Jalla pour ses bienfaits. Et qu'est-ce que ça implique? L'obéissance, les actions, l'amal. Donc, comme j'ai dit, si le serviteur, s'il est ingrat et nous cherchons refuge en Allah contre cela, son ingratitude revient à lui en tort et en regret et en remords dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wal'iyadhu billah min dhalik. Ceci requiert du serviteur qu'il comprenne. Hein, il, même ici, requiert, ici c'est un mot faible, qu'il est obligatoire qu'il comprenne, de comprendre qu'il a la nécessité d'être reconnaissant vers Allah. Tandis qu'Allah se dispense de sa gratitude, subhanahu wa ta'ala. Alors je vais laisser un peu les sœurs. Normalement, je devrais donner plus l'opportunité aux sœurs. Issa usu bin nisa'i khaira, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et il y a une paire de gants noir pour la sœur qui répond à cette question, et peut-être quelque chose d'autre aussi. C'est quoi le sixième bienfait? Qu'elle écrive sur... Mais s'il vous plaît, qu'elle mette sa kunya, d'accord, dessus. Qu'elle écrive et qu'elle envoie via quelqu'un. Et moi, je passe directement au septième bienfait, inshallah. D'accord, le sixième bienfait, c'est pour les sœurs. Al-fa'idatu s-sabi'a. Al-iman bi-kamal ghinallahi al-mutlaq min kulli wajh. وافتقار العباد إليه من كل وجه ومن كفر فإن الله غني حميد نؤمن بأن الله غني والغني اسم من أسماء الله الحسنى ومتضمن لوصفه سبحانه وتعالى بالغنى وهو جل وعلا غني عن عباده وجميع مخلوقاته من كل وجه وعباده وجميع مخلوقاته فقراء إليه من كل وجه ونحن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى الغني مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر هو بذلك في كتابه الرحمن على العرش استوى سورة طه ثم استوى على العرش سورة الأعراف ونؤمن في الوقت نفسه أنه سبحانه وتعالى غني عن العرش وعما دونه وأن المخلوقات كلها العرش وما دونه فقيرة إلى الله جل وعلا قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا سورة فاطر فهو الممسك للعرش والممسك للسماوات والممسك للأرض والمخلوقات كلها قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها لا غنى لها عن الله طرفة عين Donc on va prendre la réponse des sœurs avant de traduire. Il y a une sœur qui dit, s'il ne remercie pas, regret dans l'au-delà. Il y a une autre sœur qui dit, l'effet, le bénéfice de la gratitude revient au serviteur lui-même. Ça devient un peu plus complet. Hein? Une sœur en arabe, masha'Allah. Wa muta'alliqun bil khamis. Ana shukr ya'udu ila shakir fi dunya wal akhirah. Wa kadhalika in kana kafiran. Masha'Allah. Je donne un cadeau aux trois sœurs. Hein? Le septième bienfait, c'était quoi comme on a dit? C'est la foi en la dispense absolue d'Allah. Et regardez le mot en arabe ici. C'est quoi le mot en arabe? Al-mutlaq. Al-ghina, quoi? Al-mutlaq. Min kulli wajh. Attention, ikhwa. C'est la foi en la dispense absolue d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, en tout point. Et l'indigence. Hein? L'indigence des serviteurs ayant besoin de lui en tout point. Alhamdoulilah. Traduction du sens du verset. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout. Et il est digne de louange. Nous croyons qu'Allah est celui qui se dispense de tout. En arabe, le nom d'Allah, c'est El. Celui qui se dispense de tout. El. Al-Ghani. Et comme il a dit très très justement Abu Hakim, c'est dans la khutba d'hier pour les frères qui étaient là. Il a dit, les traducteurs essaient de traduire, ils font l'effort. Hein, vous vous souvenez de cette phrase? Quand il a dit que Allah récompense les gens de la sunna parmi eux, qu'ils essayent tant qu'ils peuvent de traduire un nom d'Allah Azzawajal par un autre nom. C'est quasi impossible. Regardez encore une fois la force de la langue arabe. Al-Ghani. Hein? On va traduire ça de manière, hein? Fais ce qu'on peut, celui qui se dispense de tout. Vous voyez que ça ne reproduit pas, hein? Il n'y a pas photo comme on dit, hein? D'accord? Al-Ghani, c'est un des noms exemplaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il contient l'attribut d'Allah qu'il est qu'il se dispense de tous ses serviteurs et de toutes ses créatures. Et ce, à tous les niveaux, en tout point. Tandis que ses serviteurs et toutes ses créatures sont indigents, ayant besoin de lui, subhanahu wa ta'ala, en tout point. Faut comprendre ça, ya ikhwa, ya akhawat. On a besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en tout point, en toute chose. Nous croyons que notre Seigneur est Al-Ghani, établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est distinct de sa création, comme il nous en a lui-même informé dans son livre. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et je prends la traduction du complexe Fahd. C'est quoi? Le tout miséricordieux s'est établi, istawa, sur le trône. Surat Taha, verset 5. Puis il s'est établi, istawa, sur le trône. Thumma istawa al-Arsh. Traduction du verset de Surat Al-A'raf, verset 54. Et nous croyons en même temps qu'Allah se dispense du trône et autre. Car tout ce qui a été créé, le trône et autre, est indigent envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardi an tazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadi min ba'di innahu kana haliman ghafura. Pour les frères qui ont fait la langue arabe, kana, c'est pas un fi'l madin ça? Naqis. Comment ça? Il était? Hein? Il y a quelqu'un qui est très connu et qui s'appelle Amr Khalid. Il a dit que le shaitan, il n'était pas mécréant. Il a dit, kana min al-kafirin. Hein? Il était. Regardez le jahl, les ikhwa. Kana dans la langue arabe, tout fait de l'istimrar, la continuité. Et on lui répond, wa kana Allahu haliman ghafoura. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Hein? Alhamdulillah, il n'est pas là, mais hein? On pourrait lui poser la question. La traduction du sens dit, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Surat Fatir, verset 41. Il est donc celui qui retient le trône, et celui qui retient les cieux, et celui qui retient la terre, subhanahu wa ta'ala. Regardez la majestuosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hein? Et il faut qu'on apprenne qui est notre Seigneur. Et Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, il a un livre que je vous recommande vivement, surtout les frères qui lisent la langue arabe. Et je pense même qu'il a été traduit, vous me confirmez ou pas. C'est Asbab Ziyadat al-Iman wa Nuqsani. Il a été traduit, hein? Alhamdulillah. Des frères, hein? Alhamdulillah. D'accord? Eh bien, c'est quoi? C'est les causes, hein, de l'accroissement, l'augmentation de la foi et de sa diminution. Premier chapitre, il le consacre à quoi? Aux premières parties du livre? Asbab Ziyadat al-Iman. Le numéro un, c'est quoi? La connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu connais les noms, les attributs, tu connais Allah. Parce que c'est les noms et attributs de qui? D'Allah. Et écoutez cette phrase, ulama. Man kana a'lama billahi kana akhwafa biha. Ou akhwafa minha. Hein? Man kana a'lama billah kana akhwafa minha. Hein? On peut traduire ça quoi? Par au plus. Tu es connaisseur ou savant de qui est Allah, au plus tu le crains. Et c'est vrai, subhanallah. Il faut qu'on connaisse notre Seigneur. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Et ça, les ikhwa, la langue arabe. Si vous voulez goûter les saveurs et les délices, hein, de savants comme Ibn Qayyim, rahimahumullah, hein, et d'autres, quand ils parlent de l'asma ou sifat, ou parmi les contemporains de Cheikh Saadi, hein, il y a des paroles magnifiques, Cheikh Saadi, rahimahumullah. Hein, et d'autres, comme Cheikh Abdelrazzaq, il a un livre très très complet, Fiqh al-Asma al-Husna. Il a été résumé d'ailleurs. Et les deux sont téléchargeables sur son site en PDF, gratuitement. Hein? En cassette, en audio, vous pouvez les avoir aussi, etc. Hein? Et je vous conseille dans l'Asma al-Sifat un livre moi, qui m'a beaucoup aidé au début, c'est le Qawa'id al-Muthla de Cheikh al-Uthaymin. Les règles exemplaires. Qui est expliqué par qui d'ailleurs? Par Cheikh al-Uthaymin lui-même. Par qui d'autre? Ah là, c'est ça que j'attendais, Cheikh Mohamed Amel Jami. Il n'a jamais été publié. Hein? En fait, il a été. Yani officiellement, quoi. Hein? Ok. Mais officiellement de lui, il a pas. Il est resté en audio. Hein? Ouais. Moi, je me souviens, c'était en audio. Et il y a un autre qui a été publié aussi. Qu'un cher que vous connaissez bien. Il a fait en audio, mais je parle de publication en livre. C'est vrai, il est sur son site aussi. Excellent d'ailleurs. Cheikh Wahab al-Jabiri. Fathou al-Ali al-A'la. Hein? Bicharh al-Qa'a al-Muthla. Je l'ai, si je me souviens bien, c'était dans le Furqan à l'époque qu'il avait fait aux Émirats. Ça, c'est le genre de livre qui vous facilite parce qu'il vous explique les règles qawa'id dans l'asma sifat. Et les règles exemplaires, il a été traduit en français, mais il n'y a pas l'explication avec. Hein? Donc on a dit quoi? La traduction du sens dit « Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. » Surat Fatir, verset 41. « Il est donc celui qui retient le trône, et celui qui retient les cieux, et celui qui retient la terre. » Toutes les créatures d'Allah ne subsistent que parce qu'Allah les fait subsister. Elles ne peuvent en rien se dispenser d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce même ne fût-ce que... Tu peux vérifier si le micro est toujours... Et ce même si... Ce même ne fût-ce que le temps... En arabe, tarfa ta'in, ça veut dire quoi? Le temps d'un clin d'œil, tarfa ta'in. On peut... Toute cette création, regardez, regardez. Adamat Allah subhanahu wa ta'ala. Même un clin d'œil, on ne peut pas suffire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pardon, on ne peut pas se dispenser hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le septième bienfait qu'il rapporte. De préférence, encore une fois, parmi les frères qui n'ont pas encore répondu. On veut que tout le monde participe. Par préférence parmi ceux qui n'ont pas encore répondu. Il ne faut pas être timide, les frères. C'est un qui doit être timide ici, c'est moi devant tout le monde, donc hein. Et ouais, quoi. Sinon, je l'ai fait à la Cheikh Mokbil, Antakom. Hein? Au prochain cours de 16 heures, on ne risque pas avoir grand monde, hein. Il y a quelqu'un qui a levé la main, tafaddal. T'as déjà répondu, mais à la Kolihal, hein? Ouais. Non. Et que nous on est quoi elle? Voilà c'est ça hein? Et donc quoi que on ne peut pas dispenser d'Allah Azul et qu'on a hein? On est indigent. D'accord. Ahsan, barakallahu fik. Al fa'idatu thamina, huitième bénéfice. Alhamdulillah, on avance. Ithbatu kamali hamdihi subhanahu wa anna lahu al-mahamid kullaha على كريم نعمائه وعظيم أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني حميد. والحميد اسم من أسماء الله الحسنى. On avait vu quoi avant? Al-Ghani. Maintenant on voit quoi? Par rapport au surat Luqman quoi? والله هو Al-Ghani Al-Hamid. Voyez la méthodologie du Cheikh. ودال على ثبوت الحمد لله سبحانه وتعالى وأن له الحمد المطلق الكامل على كل حال وفي كل حين فهو سبحانه يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد سبحانه على نعمه وآلائه وأفضاله وعطائه فهو الحميد جل وعلا الذي له الحمد كله. قال تعالى له الحمد في الأولى والآخرة سورة القصص. له الحمد أولا وآخرا وله الشكر تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. فالحمد كله لله والنعمة كلها من الله وما بالعباد من نعمة فهي من الله هو موليها. ينبغي أن يكون الحمد كله مخصوصا بالمنعم وحده. ولهذا يقول الملبون في تلبيتهم beaucoup de gens qui disent ça, ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. C'est quand qu'on dit ça? On appelle quoi cette formule très très connue? At-talbiya fil hajj. Huitième bénéfice. Et si les sœurs elles veulent bien envoyer quelqu'un pour prendre les cadeaux pour les trois sœurs qui ont donné les réponses, je ne vais pas dire leur kunya à la kouliha, j'essaierai de mettre les petits papiers dans chaque cadeau. Eh bien, c'est l'affirmation de la perfection de sa louange. Alors, qui sait me rappeler parmi les frères ici, c'est la perfection de quoi juste avant? Qu'on a traduit par quoi? Sa richesse, on va dire. Hein? C'est comme ça qu'on l'a traduit. Hein? C'est comme ça qu'on l'a traduit ou pas? Celui qui dispense de tout, d'accord? Eh bien, maintenant, c'est quoi? C'est l'affirmation de la perfection de sa louange. Vincent, tu ne peux pas prendre un livre conçu, là. Un livre. Car il est le digne de toutes les louanges pour la générosité de ses bienfaits et ses grands noms et attributs. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ » Al-Hamid est l'un des noms d'Allah qui indique l'affirmation de la louange à Allah. Et qu'il est le digne de louange absolue, mutlaq. Dans toute situation et à tout moment. Une risala ou un livre. Allah dit Alhamdu fil oula wal akhira. Lahu alhamdu fil oula wal akhira. Barakallahu fik. Alors, ici, un très bon livre de Sharh Usul Talata de Abdurrahman ibn Qasim. Excellent livre. Ça, je le donne à la sœur qui a répondu en arabe. Tu attends, hein? Un autre livre, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah de Cheikh Rabi'. Salam. Ça, je le donne. À l'autre sœur. Et alors les gants ici, ça c'est pour. Attends, ça va aller? Ça va? À lui la louange ici bas comme l'an dans l'au-delà. Lahu alhamdu fil oula wal akhira. Et c'est sur Al-Qasas verset 70. Pour les Suisses et les Belges, 70. Je suis obligé de faire avec la majorité. Si je dis 70, c'est les Français qui vont tomber dessus. Si je dis 70, c'est les Belges. À lui la louange en premier et en dernier, et à lui est adressée la gratitude intérieurement et extérieurement. À lui donc toute la louange et tous les bienfaits sont de lui. Tout bienfait qui touche les serviteurs vient de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc que toute la louange, écoutez bien cette phrase ici, il convient donc que toute la louange soit vouée de manière exclusive à qui? À celui qui pourvoit ses bienfaits. Et c'est pour cela que les gens disent dans leur talbiya, ils disent quoi? Inna alhamda wa ni'mata laka wa al-mulk la sharika laka. Regardez, wa ni'mata laka. Et au début quoi? Au début on a dit inna alhamda. Et puis wa ni'mata laka. Huitième bénéfice, c'était quoi? Zakaria, qu'est-ce qu'on vient de dire? De quoi on parlait aujourd'hui? Tu écoutais? Pas trop? Ah, dis-moi. Dis-moi quelque chose, je te donne quelque chose. Je te donne un siwak après, je vois un petit parfum. On parle de qui ici? On parle de Allah, attends un cadeau. Ça va? Je te donne un cadeau après, d'accord? Ahsant, Inch'Allah. Neuvième bénéfice, al-fa'ida tut-tasi'a. Makanatu al-hikmati wa 'azimu naf'iha liman habahu Allah tabaarak wa ta'ala biha wa manna 'alayhi bi tahsiliha. Wa hadha wadih fi hadha as-siyaq al-mubarak min thana'i Allah 'ala Luqman wa madhihi bi anna Allah 'azza wa jalla ataahu al-hikmah. Wa hadha yaj'alu al-'abda حريصا على معرفة الحكمة ما هي وحريصا على الاتصاف بها. ومما قيل في معنى الحكمة أنها العلم النافع المقرون بالعمل الصالح. وقيل هي وضع الأمور في موضعها. وقيل هي البصيرة والفهم والسداد وحسن الرأي. وقيل غير ذلك. الشاهد أن الحكمة لها مكانة عظيمة، وينبغي على كل عبد أن يجد ويجتهد في نيلها وتحصيلها ببذل الوسائل المشروعة والسبل التي تنال بها ويوصل من خلالها إليها. Et tu demandes aux frères de faire attention parce qu'après je vais te poser une question pour eux, il y aura un cadeau pour eux, Inch'Allah. Le neuvième bénéfice parmi les 50 bénéfices que Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala a tiré de Surat Luqman, ou plutôt d'une page de Surat Luqman, des recommandations de Luqman le sage à son fils. Le statut de la sagesse et son immense utilité pour celui à qui Allah en a fait cadeau. On ne rejoint pas le premier là ou pas? Que c'est un cadeau, une gratification céleste et un don divin. Et celui qu'Allah a comblé en la lui faisant obtenir cette sagesse. Et ceci est clair dans ce passage béni où Allah fait l'éloge de Luqman et l'a complimenté car Allah lui a donné la sagesse. Amma, who gives the wisdom? Who gives the wisdom? Yalla, bsura. If you answer, I give you a gift. Yalla. Allah, you have a gift. Alhamdulillah. Hein? Ceci rend les serviteurs attentifs à savoir ce que la sagesse est, attentif à être doté de sagesse, de cette sagesse. Parmi les choses qui ont été dites sur la sagesse est la science bénéfique. La sagesse c'est quoi? Elle est la science bénéfique, accompagnée de l'action vertueuse. La sagesse aussi, ils ont dit, c'est de placer les choses à leur place. On a dit quoi la première? C'était quoi? La sagesse est la science bénéfique et l'action vertueuse. D'autres ont dit quoi? La sagesse est de placer les choses à leur place. La sagesse est la clairvoyance aussi, ils ont dit. Et la compréhension et la justesse de vue et de jugement. Sadad wa husnul ra'i. Mais c'est ça, c'est vrai la sagesse. Et d'autres choses encore parmi ce que les gens de science ont dit. Je répète, ces derniers points. D'accord. Parmi les choses qui ont été dites sur la sagesse. Vas-y. En attendant, Oumaysa. Aïn Allah. T'as un cadeau. Ça va? D'accord. Ah, j'ai oublié Salama derrière. Il me regarde avec de grands yeux. C'est bon? La sagesse est la science bénéfique accompagnée de l'action vertueuse. De l'action vertueuse. L'amal salih. J'y vais? Je parle un peu doucement pour les frères qui ont la traduction en langage des signes. La sagesse, c'est de placer les choses à leur place. La sagesse, tout en un là ici. Hein. La sagesse, c'est la clairvoyance. Et la compréhension. Et la justesse de vue. Ils m'ont appris des mots. Attention, peut-être l'année prochaine, on n'aura pas besoin de toi. Hein. Et de jugement. Ça va, c'est bon? Et d'autres choses encore parmi ce que les gens de science ont dit. Ce qui est à retenir ici, c'est que la sagesse a un statut très important. Regardez le cheikh, il nous aide à retenir ce qui est important. Il dit ce qui est à retenir ici. C'est qu'elle a un statut très important. Il convient donc à tout serviteur de multiplier les efforts afin d'obtenir cette sagesse. En faisant les causes légiférées. On n'est pas des gens de l'innovation ici. Les causes, elles ont besoin d'être quoi? légiférer et en prenant les voies qui y amènent. D'accord, donc la question maintenant c'est pour eux. C'était quoi le neuvième bénéfice? Quelqu'un ici, Anna, il n'a pas reçu quelque chose? Vas-y, c'est pas grave. Un peu plus de détails, non? C'est quoi la sagesse? Qui me donne c'est quoi la sagesse? Science bénéfique, c'est ça? Et les bonnes actions, l'action vertueuse, il a raison, Naam Hassan. Le dixième bénéfice. C'est trop long pour vous, ça va? On continue? On continue un petit peu? Qu'est-ce qu'il a dit l'imam muslim de Yahya ibn Abi Kathir? Al-ilmu la istata'a dans une riwaya, dans notre riwaya la yunalu bi rahatil jasad. On ne peut pas obtenir la science avec le repos du corps. C'est dans Sahih Muslim. Le dixième bénéfice, al-fa'idatu al-ashiratu ahamiyatu uslub al-wa'd. Ah, maintenant on arrive à un point aussi très important. On fait beaucoup d'erreurs. Ahamiyatu uslub al-wa'd fi at-tarbiyati wa at-ta'lim. Qala Allah Ta'ala: "Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu." وأسلوب الوعد له أثر بالغ في تربية الناس والتعليم النشء والوعد كما قال العلماء أن يكون العلم الذي يوجه الناس إليه ويرشدون إلى فعله مقرونا بالترغيب والترهيب فيذكر الأمر بالخير مع المرغبات ويذكر النهي عن الشر مع المرهبات فالوعظ هو أمر بالخير ونهي عن الشر مع الترغيب والترهيب والترغيب يكون بذكر الفوائد والثمار والآثار التي ينالها العبد إذا فعل هذا الأمر الذي رغب فيه والترهيب يكون بذكر الأخطار والأضرار التي تحصل لمن وقع فيها نهي عنها وهكذا فعل لقمان الحكيم حيث ضمن وصاياه ترغيبا نافعا يشجع المدعو على القيام بها دعي إليه على أحسن وجه وأكمل حال وترهيبا زاجرا يحجز المدعو عن مفارقة الذنب وارتكاب الخطيئة عن مقارفة الذنب وارتكاب الخطيئة je commence à fatiguer les frères. Dixième point, dixième bénéfice, hein? L'importance du style de l'exhortation dans l'éducation et l'enseignement. Alors ici, je m'adresse plus particulièrement, évidemment, aux douats, aux enseignants, aux professeurs. On est tous enseignants, comme je l'ai dit hier, à notre niveau. Et on a parlé aussi des parents hier. Et pour les frères qui sont encore célibataires, hein, j'ai dit, il est grand temps de se former, d'être un parent avant d'en être un. L'ilmu qabla al-qawli wal-amal. D'accord ? Cheikh Al-Fawzan, une belle parole qu'il a dit dans un très beau livre qu'il a tarbiyat l'aulad. Il a dit, moi je vous pose la question, il a dit, vous savez quand l'éducation des enfants elle commence? Il a dit avec le choix de la femme. Ah, c'est une belle parole, hein? Le choix de l'épouse. Voilà, t'es déjà en train d'éduquer tes enfants, tu le sais même pas. Le choix de l'épouse, ça commence là déjà. Allah a dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Et par là même, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui donne une épouse vertueuse à tous nos frères célibataires qui sont ici ou qui nous écoutent. Hein. On a dit quoi? Le style de l'exhortation a un grand effet. Et vice versa, évidemment. Hein. Le style de l'exhortation a un grand effet dans l'éducation des gens. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, وَهُوَ يَعِظُهُ, l'exhortation الْوَعَب. Le style de l'exhortation a un grand effet dans l'éducation des gens et dans l'enseignement de la nouvelle génération. Il faut faire attention parce que des fois, on n'utilise pas les bonnes manières, les bons styles avec nos enfants et avec les gens en général. Et ça, ça peut amener à des conséquences très graves. On peut éloigner des gens de la religion d'Allah Azza wa Jal alors qu'on est censé les ramener vers la religion d'Allah Azza wa Jal, hein, ou en tout cas une compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal. Faire attention à ça. Comme les savants ont dit que la science vers laquelle on oriente les gens et la mise en application de laquelle on les appelle doit être accompagnée du tarhib et tarhib. Il va expliquer c'est quoi, on en a déjà parlé un petit peu hier. Omar en a beaucoup parlé aussi, hein. Et on va encore en parler là. Inch'Allah. Eh bien, c'est quoi? On parle donc de l'ordre de faire le bien. Quand il y a un ordre de faire un bien, on en parle avec ce qui y incite. Al-Muraghibat. C'est pour ça qu'on appelle ça Targhib. Et je vous ai rapporté le livre hier de qui? De l'imam Al-Mundiri. Al-Targhib wa Targhib. Et on parle en même temps de l'interdiction du mal avec ce qui en effraie. L'exhortation, c'est donc d'ordonner le bien et d'interdire le mal avec tarhib ou tarhib. Le tarhib maintenant, ou incitation, se fait en rapportant les bénéfices et les fruits que le serviteur obtient lorsqu'il met en application cet ordre dont on l'a incité à mettre en pratique. D'accord? Quand tu rapportes un ordre d'Allah Azza wa Jalla, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu le rapportes, mais tu rapportes en même temps quoi? Les choses qui vont inciter la personne à qui tu t'adresses à s'acquitter de cette obligation. Vous comprenez ça? Hein? Le tarhib, dans le contraire, ou effrayement si vous voulez, se fait en rapportant les dangers et les maux qui touchent celui qui commet ce qui lui a été interdit de commettre. C'est-à-dire quand tu lui interdis quelque chose, attention, ne fais pas cela. Pourquoi? Tu lui expliques pourquoi et tu lui cites des choses qui vont l'effrayer, lui faire peur de tomber dans ces choses-là. Ce qui va l'aider à quoi? À obéir, c'est-à-dire à s'arrêter, à ne pas commettre cet interdit-là. Comme on l'a dit avant, ça va l'inciter à s'acquitter d'une obligation. En sachant qu'une petite faïda, que le ulama rapporte dans Sharh Arba'in Nawawiya, hein, c'est que dans l'obligation, il y a la notion de capacité, mais pas dans les interdits. Souvent, quand on fait un siha, quelqu'un qui fume, c'est « Oh, j'arrive pas, je peux pas, je suis pas capable. » Ben, c'est très facile, tu es capable. Tout le monde est capable d'arrêter de fumer. C'est très simple, tu fumes pas. C'est aussi simple que ça. Hein, tu le fais pas. Pourquoi? Parce que le fait de pas faire une action n'implique pas une capacité. Tu la fais pas, c'est tout. Tandis que le fait de faire une action, une obligation, là, il y a une notion de capacité. C'est pour ça que la religion est venue avec une restriction. C'est quoi? En tout cas, une condition, c'est l'istita'a, la capacité. Tu n'es pas capable de prier debout. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries assis. Hein? Tandis que le fait de faire un haram, je n'arrive pas à arrêter. Quand tu parles aux jeunes, il faut, ah, j'arrive pas. Hein? J'arrive pas, c'est en moi, des choses comme ça. Ils disent, hein? J'aime trop ça, etc. Et kada, j'arrive pas, c'est trop tôt. Non, c'est facile, arrête, c'est tout. Mais maintenant, c'est facile de lui dire. Mais rapporte-lui ce qui va l'aider aussi. C'est à ça que je vais en venir. Hein? Rapporte-lui à ce qui va. Hein? Rappelle-lui le jugement dernier. Rappelle-lui son Seigneur. Rappelle-lui le châtiment des désobéissants, hein, qui ne sont pas repentis. Hein? D'accord? Et si Allah ne leur pardonne pas, etc. D'accord? Rapporte-lui les choses qui vont quoi? Qui vont l'inciter à ne pas commettre cet interdit-là. Et vous voyez, subhanallah, les gens, parce que j'ai parlé du fait de fumer comme parmi d'autres choses, hein, mais les gens qui pratiquent bien et qui arrivent à un bon degré de leur pratique, ils arrêtent assez facilement à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce que non, ils sont Allah leur facilite, mais parce que aussi ils savent. Et tel à ce qu'a fait Luqman le sage dans les recommandations retiennent, dont les recommandations contiennent une incitation bénéfique qui encourage celui à qui s'adresse l'exhortation de faire ce dont il a été exhorté de faire de la meilleure des manières, la plus complète. Ainsi qu'une mise en garde qui réfrène et empêche celui à qui l'exhortation s'adresse de commettre un péché et de tomber dans l'erreur. Donc c'est les deux. Et on va le voir. Première interdiction qui va arriver, « Ya bunayya la tushrik billah ». Pourquoi? Regardez après, qu'est-ce qui va les donner de ne pas le faire? L'association Allah Azza wa Jal. Inna shirka la dhulmun azim. C'est une injustice énorme. Vous allez voir que tout le temps, vous les rappelez l'aqida. Ilayya al-mansir. Thumma ilayya marji'ukum fa unnabbi'ukum bima kuntum ta'amaloun. Etc. etc. On va bien expliquer ça après, inshallah. C'est ça, il faut lier les choses à l'aqida. C'est ce qu'on est censé faire en tant que salafi. Le dixième, c'est qui le rapporte? Allez, vas-y. Excuse-moi, répète, vas-y. Le dixième point, il a parlé de l'importance du skill dans l'éducation et dans l'enseignement. Excellent, oui. Pour amener la meilleure des façons. Donc, quand on parle d'un ordre, on parle des choses à accomplir. Ce qu'il incite à. Ouais, c'est exactement, c'est très juste. Et lorsqu'on lui parle des désobéissances, on lui parle de ce qui va l'effrayer pour obtenir le passeport. En même temps, si on a dit que dans l'obéissance, il y a une capacité, il y a la capacité. Alors que la désobéissance, elle est passée, il n'y a pas de capacité. Non, c'est pas une condition, quoi. D'accord, Naam. Hassan, tiens. Continue un peu ou on arrête? Vous avez un cours à 4 heures normalement. Continue jusqu'à 1h30, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon ça? On en fait encore un ou c'est trop? 50. On peut faire le 11e et on arrête après ça, Inch'Allah, ça va? D'accord? Al-fa'idatu al-hadiyatu 'ashar. Ahammiyatu husn tawaddudi wa 'azimu atharihi على المتلقي والمتعلم فعندما تريد أن تعظ إنسانا وتنصحه ينبغي أن تتودد إليه بأن تذكر من العبارات اللطيفة والكلام الجميل الذي يجعل كلامك يدخل قلبه ويجعل قلبه ينفتح لكلامك. ولاحظ أن لقمان وهو يعظ ابنه جاء بكلام جميل وأسلوب مؤثر وكلمات تدخل إلى القلب. وانظر لطفه في حديثه مع ابنه بوعظ فتجد عبارة يا بني. يا بني c'est quoi un tasghir de يا بني mon fils, c'est quelque chose de quoi t'es dit? C'est quelque chose de quoi qu'on utilise quand on veut être doux avec. Voilà, c'est ça que je cherchais. Barakallahu fik. Affectif. Affectif, on dit ça, affectif. Affectueux, je préfère, ouais, affectueux. C'est l'anglais qui commence à te...